أفهم الغالبون. Nous avons en réalité laissé jouir cela et leur père, jusqu'à ce que l'âge leur parut long. Ne vois-tu donc pas qu'en sévissant contre les mécréants, nous prenons la terre et en réduisons les extrémités? Sauraient-ils donc être les vainqueurs? قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Dis, je ne fais que vous avertir par ce qui m'est révélé. Mais les sourds ne sauraient entendre l'appel quand ils sont avertis. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Si le moindre souffle du supplice de ton Seigneur venait à les toucher, ils s'écrieraient « Malheur à nous, nous étions vraiment injustes. » Nous placerons, au jour de la résurrection, les balances justes. Nul âme ne sera en rien lésé, pas même du poids d'un grain de moutarde que nous ferons amener. Et nous suffirons pour dresser les comptes. Nous apportâmes à Moïse et à Aaron le discernement, Al-Furqan, lumière et rappel pour ceux qui sont pieux. Qui craignent leur Seigneur sans le voir et sans ostentation, et qui s'angoissent au souvenir de l'heure. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Voici un rappel béni que nous avons fait descendre en révélation. Le nierez-vous donc? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Auparavant, nous avions engagé Abraham sur la voie droite. Nous le connaissions parfaitement. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Il dit à son père et à son peuple: qu'est-ce donc que ces statues auxquelles vous montrez tant de dévotion? Nous avons trouvé nos pères qui les adoraient, avant nous, répondirent-ils. Vous étiez donc, vous et vos pères, dans un égarement évident, fit-il observer. Es-tu venu nous apporter la vérité, dirent-ils? Ou es-tu en train de plaisanter? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Votre Seigneur, répliqua-t-il, est le Seigneur des cieux et de la terre. Il les a créés de rien. Je suis de ceux qui peuvent en témoigner. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Par Allah, j'userai d'un stratagème contre vos idoles quand vous aurez le dos tourné. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Il les réduisit en morceaux, sauf l'idole la plus grande, pour qu'ils reviennent vers elle. Ils dirent, qui donc a fait cela de nos divinités? Ce doit être quelqu'un d'injuste. D'autres dirent, nous avons entendu en médire un jeune homme, nommé Abraham. Qu'on l'amène, s'écrièrent les premiers, et que les gens puissent le voir de leurs yeux et en être témoins. Est-ce toi qui as fait cela, nos divinités, Abraham? Lui demandèrent-ils. Non, c'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait. Interrogez-les donc, si tant est qu'elles puissent vous répondre. Se blâmant les uns les autres, ils se dirent, c'est peut-être vous qui êtes injuste. Puis, baissant la tête à court d'arguments, ils dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Adorez-vous, dit-il, en dehors d'Allah, ce qui ne peut en rien vous être utile ou nuisible. Fille de vous tous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, entendrez-vous jamais raison? Ils s'écrièrent alors, brûlez-le, vengez vos divinités, si vous voulez vraiment faire quelque chose. Nous dîmes alors, ô feu, sois fraîcheur et salut sur Abraham. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.